La chronique de pêche de Claude Roy est une présentation de la pourvoirie du Lacoski. Pour une expérience en forêt à 200 km au nord du lac Saint-Jean, la pourvoirie du lac Oski vous offre une pêche réussie. Pour information sur nos différents forfaits, visitez le site internet au lac-oski.com. On va parler de notre ami Claude Roy, la chronique de pêche. Salut Claude! Bonjour. Claude, tu veux parler des embarcations, parce qu'à l'endroit où tu travailles, il y a quand même beaucoup de monde qui arrive avec des embarcations brisées, puis transportent en forêt. C'est parce qu'on a eu un printemps excessivement pluvieux, puis les ZEC des territoires, différents territoires du Québec, ils n'ont pas tout le temps l'argent pour réparer les routes comme ils devraient. Donc, on va parler de plusieurs choses, c'est-à-dire que la première, c'est de jamais surcharger la remorque sur laquelle est assis notre bateau. Donc, les gens pensent que le bateau devient une remorque. Donc, on peut mettre les caisses de bière, la bouffe, on peut mettre tout le bagage là-dedans, puis partir avec un petit camion, puis quatre gars à bord. Ça marche pas comme ça. La remorque a été bâtie pour un poids de chaloupe particulier. Ce qu'on peut mettre, bien sûr, c'est des choses qui sont pas pesantes, les vêtements, les sacs de couchage... Mais par contre, faut faire attention, tu sais, pour 4 personnes, on peut mettre facilement 300, 400, 500 livres de stock dans le bateau. Mais si en plus, on s'en va mettre l'essence qu'on veut apporter, les glacières piennes, les caisses de bière, plutôt tout le bagage de pêche, là, les remorques deviennent surchargées et malheureusement, les roulements, ce qu'on appelle les bearings, vont bien des fois, sont mal entretenus, sont même pas entretenus, et le gars s'en va pour la pêche, le gars ou les groupes de filles s'en vont pour la pêche, puis... En partant, le bearing va sauter, va chauffer, et là, ça va causer des dommages qu'on peut pas réparer en forêt. Ça, c'est le premier des points. Le deuxième point, c'est la chaloupe. Il y a des fois, les gens vont transporter des bateaux d'aluminium sur des remorques à rouleaux. Tu sais qu'une remorque de bateau, tu as déjà vu ça, d'aller même si t'es pas un pêcheur, ouais. Tu sais, ça a ou des planches de bois avec du tapis ou des rouleaux. Il y a des gens qui achètent des chaloupes d'aluminium, puis ils disent, mon beau-frère a un vieux trailer à rouleaux, puis je vais le mettre dessus. C'est la pire affaire qu'on peut pas faire. On ne peut pas mettre ou transporter une chaloupe d'aluminium sur un trailer à rouleau. Okay. Ça la brise, donc ça la défonce. Il va y avoir des points de pression, les rivets vont se mettre à couler. Surtout dans les routes forestières où ça va trembler beaucoup. On fait jamais ça. On veut protéger notre devant de bateau. On peut le faire avec des vieux morceaux de tapis, des morceaux de plastique ou même s'acheter ce qu'on appelle des balais pour les tentes roulottes ou les roulottes qu'on va mettre en arrière des autos. Et les balais vont faire qu'ils vont empêcher les roches de revoler ou de revoler sur l'embarcation et venir la briser. Mettez pas des bouts de plastique rigide. Il y en a qui vont prendre des vieilles chenilles de motoneige. Ça, c'est un plastique qui est trop rigide. Puis quand on met du poids, ça vient frotter contre le fond de gravier et ça relève les roches encore plus. Donc, vous êtes mieux de vous acheter des balais. Okay. Un balai, c'est pas cher. On va trouver ça dans les places pour le camping. Et ça va éviter de tirer les roches partout sur l'embarcation. Et le dernier des points, c'est le fameux moteur en arrière. Les gens protègent le haut du moteur pour pas qu'il soit graffiné, pour qu'on voit toujours le nom de Mercury ou Honda ou peu importe la marque. Mais ils protègent pas l'entrée d'eau, qui est la place principale où la poussière va entrer et ça va monter directement dans le moteur. Donc, on est mieux de mettre un sac poubelle à la base, donc mettre l'hélice et tout ça dans un sac de poubelle ultra résistant et de juste taper ça avec un tape noir pour empêcher la poussière de rentrer dans la pompe à l'eau parce que là, on brise... La première chose qu'on va faire quand on part le moteur, c'est que la poussière va monter dans la pompe à l'eau et on va briser notre moteur. Donc, c'est des petits détails, mais il faut faire ça avant de rentrer en forêt pour être sûr qu'on va avoir un voyage de pêche qui va être intéressant parce que si on a tout bien protégé le bateau puis qu'on arrive, on n'a pas protégé le moteur, dès qu'on va le partir, pas mieux, hein? Le moteur lâche, le voyage de pêche est foutu. Ben, t'es pas mieux non plus, là, effectivement. Effectivement. Claude, ça fait le tour pour cette semaine? Oui, ça fait le tour cette semaine, mon ami. Notre ami Claude Roy qui nous parlait de pêche.